Votre mission dans la courte échelle, si vous l'acceptez. Votre mission dans la courte échelle, si vous l'acceptez. Et de faire écouter à vos auditeurs des artistes indépendants talentueux. Pas de barata, mon pote. C'est comme chaque semaine, la courte échelle qui arrive chez vous et qui vous emmène son lot d'artistes indépendants à découvrir. L'émission du jour va commencer avec une Québécoise, elle s'appelle Emmanuelle Boucher. Une de ses dernières chansons en date, ça s'appelle Classique. Cette chanson se veut un hommage à toutes celles et à tous ceux qui ont frayé le chemin pour les jeunes artistes pop country avant elle. Elle espère bien sûr que sa chanson va nous plaire. Emmanuel Laboucher avec Classique. Je te le dis tout de suite, j'ai fait mes devoirs. Je connais mes classiques et toutes les histoires. J'ai compris ça vite, tout est dans le regard. De la perle rare, but from what I know, les loups sortent quand il fait noir. Serais-tu comme Gil dans une autre chambre d'hôtel? Y'a juste une autre peine d'amour. Ou ben comme Pat Normand avec le cœur qui devient moins lourd. Ou encore Paul d'Arèche, le chasseur qui veut me reconduire. Comme il dit, disait à Pantyville, tu peux dormir tranquille. Juste arrêter d'y croire. Non, y'a pas de conte de fées, y'a pas d'île au trésor. Oh non, y'a juste des belles paroles. Si elles ne sont pas en chanson, elles se perdent avec le temps. Si t'en écrivais une coupe, peut-être que j'arrêterais de te comparer à ceux d'avant. Serais-tu comme Gil dans une autre chambre d'hôtel? Y'a juste une autre. Notre chambre d'hôtel, y a juste une autre peine d'amour. Ou bien comme Pat Normand avec le cœur qui devient moins lourd. Ou encore Paul d'Arèche, le chasseur qui veut me reconduire. Comme il disait à Pantyville, tu peux dormir tranquille. Hey, La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Une chanson sur l'importance, les vertus et les bienfaits du sourire. Ça existe à présent grâce à Esmond de Cor et ça s'appelle Le Sourire. Le sourire trop souvent caché derrière des masques, au sens propre comme au figuré. Esmond de Cor est originaire de la Côte d'Ivoire et a été baignée dans la culture européenne. Et depuis toujours, elle est attirée par le chant et la danse. Le sourire qui met à l'aise. Le sourire qui met à l'aise. Oh dis-moi, le sourire c'est gratuit. À chaque fois, tu fais tant de manies. À chaque fois, c'est la même mélodie. Car tu crois que pour toi tout est sourire qui Fais pas comme ce que le système tient en laisse. Ton sourire vaut de l'or et guérit ce que la vie blesse. Dis-moi, I wanna know, wanna know, wanna know. La courte échelle. Je vous propose d'écouter Fally, qui est une artiste du nord de la France. Elle a fait des études de commerce, mais a toujours eu un véritable penchant et intérêt pour le domaine artistique, en particulier pour la chanson. Suis mes pas, c'est le titre qu'elle vous propose. Tu me dis La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Je sais que ce n'est pas vrai, mais pour Valois, c'est l'été. Cherches-tu encore le plaisir? Fallait-il vraiment tout porter? Est-il possible d'être un temps soit peu plus léger? Quoi que l'on dise, n'y aura-t-il ce soir l'idée de mettre de la lumière à notre portée? C'est si redoutable de marcher le long des crêtes comme à l'armée. On dirait les soirs d'été dans ma chambre. Soigne tant les apparences que tu ne me laisses pas même une chance. Quand tu prends cette fois de la distance, c'est qu'on a cru en l'existence. Seul à tout rompre, t'as peur de quoi? Eh, c'est l'été. Être seul à défendre, besoin de toi, surtout de ta volonté. On se fout de la distance, avec ton soi peu d'insolence, on va circuler. T'as vraiment eu de la chance, t'aurais pu tomber sur un mec marié. On dirait les soirs d'été dans ma chambre, mais l'envie disparaît. Attends, je suis en forêt, je tombe. Quand tu prends cette fois de la distance, c'est qu'on a cru en l'existence. Soigne tant les apparences que tu ne me laisses pas même une chance. Quand tu prends cette fois de la distance, c'est qu'on a cru en l'existence. Passe donc me voir arriver. Un soir en été. Votre instant d'évasion. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Noël, c'est à la fin de la semaine prochaine. Pour celles et ceux qui sont pressés, eh bien, nos artistes de la courte échelle vous proposent de retrouver les fêtes avant les fêtes. Voici tout de suite Guy Brière. Guy Brière, on le connaît bien, c'est un habitué de la courte échelle avec Jaillit Noël. L'Halloween est fini. Les petits monts sont rentrés, les sacs remplis de bonbons sucrés, les magasins frémis et décorent leur entrée pour attirer les familles et les faire dépenser. Et jaillit Noël, et jaillit Noël, et jaillit Noël, et ses bonheurs préfabriqués. Les lutins sont revenus,

reste au Canada, à Montréal précisément, voilà, pour écouter Mario Bifarellis, Tropical Christmas. Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Le rendez-vous des artistes indépendants. Planète Bolingo est un groupe de pop ska, une musique festive et engagée, résolument ouverte sur le monde. C'est des compositions empreintes de voyages, d'énergie, d'espoir, mais aussi parfois de souffrance. C'est quatre musiciens qui mettent leur âme à nu pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Plus qu'un groupe, c'est une famille qui va tout donner sur scène pour vous faire bouger le corps et l'esprit. Planète Bolingo, l'étagère. Je crois, sur une étagère, il y a un papier, un crayon, pour se faire une raison. Sur mon étagère, il y a, sur mon étagère, je crois, une armure de papier, pour enfin se protéger. Thank you. étagère, on croit que des centaines de papiers peuvent enfin se réveiller. Sur cette étagère, on voit, sur cette étagère, il y a des milliers de naufragés sur un esquif abandonné. Des milliers de naufragés sur une esquisse déchirée. Mais l'étagère d'en haut, il y a toujours la solution. Mais l'étagère d'en haut, ne te pose pas de questions. Mais l'étagère d'en haut, il y a toujours la solution. Avec mon papier, mon crayon, j'ai l'air un petit peu con. Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Truffaut, le dernier titre en date du duo Micheline est sorti le 18 novembre dernier. Ce duo, à la scène comme à la ville, nous propose de la pop française, teintée d'électro raffiné sans fioritures. L'amour, le conflit intérieur, les vacances, quelques courses d'obstacles. Voilà de quoi parlent les chansons du duo Micheline. Sur mon vélo, et chaque fois que ça va pas, je me demande pourquoi. Je suis billet bobo, je vais bien sur ma moto. Les autos écolos, je sais faire le distinguo. Je suis païen, je suis croyant, peut-être bon vivant. J'ai le spleen dans le vent, au milieu de ce tourment, tête en l'air, sur la terre. Pas seul à l'évidence, rien ne va plus, tout va bien, tout revient. C'est plus comme avant, comme dans les films en noir et blanc, comme dans un film de Truffaut, où tout s'enchaîne comme il faut. C'est plus comme avant, on pouvait regarder devant, il y avait la liberté dans l'air, et tous les seins étaient à l'air. Un style pour la baignade ou la cuisine, pour la danse ou pour m'habiller, je fais surtout le pas de côté.

La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Le 12 novembre dernier, Maya Nashoba a sorti son nouveau single. Il a pour titre « Les mains ». Il figure sur son dernier EP. Il a pour la chanteuse une signification particulière, car en effet, le texte français a été écrit par son arrière-grand-mère turque dans les années 90. Toutes les mains que j'ai connues, les doigts déliés, les paumes nues, toutes les mains qu'on m'a tendues, toutes celles que j'ai perdues, tous les talents au bout des doigts, se pliant au gré de leur choix, dans l'espérance et dans la foi, je les revois, je les revois. Secrète, immobile et légère, je les embrasse, je les serre. À mon tour, je voudrais leur tendre. À mon tour, je voudrais leur rendre un geste digne de leur cendre. Mais puisqu'il faut encore attendre. Le sel, l'eau et le pain, avant qu'il ne soit trop tard demain. Tends-la à tous, tends-la au tien, avant qu'il ne soit trop tard demain. Tends-la à tous, tends-la au tien. Écoutez La Courte Échelle chaque semaine, des talents à découvrir. Passionné par la musique et de formation classique à la guitare, Patsy P s'est découverte au fil des années une attirance profonde pour le chant. La voici avec Honky Tonk Girl. Excited to land in this magic country where she wanted to be. She made her friends in the middle of nowhere, where folks were playing country music. She was lucky, humming, sitting near them in the open air. Sing and play. country she was born. She got this simple hunch that she'll come back one day for a longer stay to sing more songs and play. La courte échelle. Le rendez-vous des artistes indépendants. Judy est née en Hauts-de-Seine et a grandi en Haute-Savoie. Elle s'est fait connaître sur les réseaux sociaux en début de cette année 2021 avec une reprise de Paolo Nutrini. Le titre c'était Candy et elle a été repérée ensuite par un producteur et la voici avec To The Moon, Judy. You on my skin for the eternal begin. You make me human, not like all women. But your lips on mine light up my mind, warm up my body. That's all that makes me happy. To the moon and back, to the moon and back, to the moon and back, to the moon and back. When I read in your eyes, you cannot disguise. There is an attraction, a soul connection. When I feel it inside, there's no reason to hide. We shine like the sun, we shine even in the night. To the moon and back, to the moon and back, to the moon and back, to the moon and back. Courte échelle. Chaque semaine, des talents à découvrir. Ouais, yes! Lukina est un jeune artiste né au Congo, à Kinshasa. Il vit actuellement à Bruxelles. Il fait de la musique depuis son adolescence. Et le voici avec Kolo Masiya. Pray. my bread. Oh, yeah. I can't make it in life without you loving me. I can't stop following you if you need me. Just hold me close to ya. I'll hold you like Jacob. Won't let you go until you bless me. My Lord, I can't let you go. No, no, I can't make it any harder. I can take it, so I'll make you proud of me. Descendant de polygame, digne mangeur d'igname. Mon projet, mon programme, faire le max de ramdam. Alors m'acclimatant à Paname, j'ai largué mon tam-tam pour v'là me faire ma réclame avec le slam. Et de toi à moi je te le dis, le slam c'est ma cam. De moi à toi je te le dis, le slam c'est mon sésame. Ça y est, c'est dit, tu l'as. Écrire des slams, je gribouille des pages, en noircis les rames. Pulsion viscérale, oui, mais P3 petits points de page blanche. Parfois, je transpire, je rame. Puis dans les transports, RER, bus, train, trop métra. Incognito, je fais mes gammes. Dans la foule, encore quidam, anonyme. Une péto, je m'approprie mes propres mots, mes rimes. Dans le métro, entre deux bouches, je me les rends rond en bouche. Je leur donne la gouaille, du groove, du smooth, du pep, du swing, du boost, du rhythm, du rythme. Voilà moi, Aimé Nouma, fils de charme, descendant de polygame, digne mangeur d'igname. Mon projet, mon programme, faire le max de ramdam. Alors m'acclimatant à Paname, j'ai largué mon tam-tam. Va me faire ma réclame avec le slam. Le slam. Puis vient ce qui est pour moi un très grand moment de live. La scène. Programme encore chargé aujourd'hui. C'était la nouvelle version de Le Slam, c'est mon sésame, à Aimé Nouma. Avec lui que va se terminer la courte échelle du jour. On se retrouve la semaine prochaine pour découvrir d'autres artistes, indépendants bien entendu. J'espère que vous y avez trouvé votre compte, qu'il y en a eu pour tous les goûts aujourd'hui, comme chaque semaine, et dans tous les styles. D'ici la semaine prochaine, eh bien, soyez heureux, bien sûr. M'écoute, coucoute sous ma coupe, en mode grande écoute. Le slam, c'est sa cam. Le slam, c'est son sésame. Voilà moi, aimez-nous-moi, fils de charme, descendant de polygame, digne mangeur d'igname. Mon projet, mon programme, faire le max de ram. Votre instant d'évasion. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants.